vraiment? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour en prendre autant? Qu'est-ce qu'on a pu penser qui dérange dans les gens? Je pourrais être bien beau le dodo câlin, mais à la place de ça, le vide ça c'est certain. Personne, je suis seul, peut-être que demain.